Fini la 3DS, maintenant j'ai mon Samsung. J'ai un prétexte pour sortir de chez moi, faire le clown. Faudra que je fasse gaffe en traversant la rue devant. Mais faut dire que c'est urgent, y'a un ratata qui m'attend. Je balance des pokéballs dans le jardin du voisin. Mais il dit rien, parce qu'il comprend rien. Où sont-ils, où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. Dans ma ville et dans la tienne. Où sont-ils, où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. Allez, chez ma belle-mère. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon. Mon supermarché est devenu une arène. Alors que le jeu n'a pas de version européenne. Y'a déjà des tarés qui braquent pour un roucoule. Et bientôt dans les parcs de la France il y aura foule. Je veux pas payer pour de la fausse monnaie. Si ça continue, je vais bouffer mon forfait. Où sont-ils, où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. À la mairie chez les flics. Où sont-ils, où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. À la poste et dans mon slip. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon. Où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. Pourquoi faut que je bouge de ma chaise? Où sont-ils? Où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. Mon phone et mon corps sont prêts. Où sont-ils? Où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. Avant de crever dans ma caisse. Où sont-ils? Où sont-ils? Je veux attraper tous ces Pokémon. Avant que ça monte à la tête. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon. Pop, pop, pop, Pokémon, pop, pop, Pokémon.